Więcej informacji na fundusze europejskie gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie Państwo firmę, najlepsze oferty czekają na Was tu. Smartfonerii dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 marca, jest 14. Małgorzata Majgorska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Jest wiele zastrzeżeń. Za chwilę wrócimy do raportu NIK-u dotyczącego szkół. Powiemy także o pozbawieniu Marine Le Pen immunitetu deputowanej do Europarlamentu i o poszukiwaniach ponad 100 osób, które uciekły z restauracji w Hiszpanii bez zapłaty. Na początek raport NIK-u o szkole, za ciasne sale lekcyjne, zbyt krótkie przerwy między lekcjami, a przedmioty wymagające koncentracji. Dopiero na ostatnich lekcjach Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła bezpieczeństwo i higienę nauczania w szkołach publicznych. Skontrolowała 60 szkół publicznych, 30 podstawówek i 30 gimnazjów w 5 województwach. Katarzyna Ingram. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w niektórych szkołach przedmioty wymagające koncentracji, takie jak matematyka, fizyka czy chemia, planowano na ostatnich godzinach albo grupowano je w kilkugodzinne bloki, wyjaśnia prezes instytucji Krzysztof Kwiatkowski. Wątpliwości NIK budzi także długość przerw. W 2/3 skontrolowanych szkół długość niektórych przerw wynosiła zaledwie 5 minut. W skrajnym przypadku trwała niespełna minutę. A to za krótko, by na przykład zjeść obiad w szkolnej stołówce. Raport wskazuje także na to, że część uczniów wnosi do szkoły zbyt ciężki tornister. NIK zwraca uwagę, że chociaż uczniowie narażeni są na dźwiganie ciężkich tornistrów, to często nie mają możliwości zostawienia książek i zeszytów w szkole. Wątpliwości NIK budzi także zły stan techniczno-sanitarny szkół, brak w szkolnych komputerach filtra ograniczającego dostęp do nieodpowiednich treści w internecie oraz niewystarczające zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dziękujemy za uwagi. Widzimy, że wiele elementów wymaga naprawy. Sukcesywnie robimy. To pisze w komunikacie, odnosząc się do raportu NIK-u resort edukacji. Parlament Europejski pozbawił Marine Le Pen immunitetu deputowanej do Parlamentu Europejskiego. Domagał się tego francuski wymiar sprawiedliwości, a przyczyną było opublikowanie na jej Twitterze drastycznych zdjęć z egzekucji dokonywanych przez terrorystów z Państwa Islamskiego. Prowadząca w sondażach dotyczących pierwszej tury kwietniowych wyborów prezydenckich liderka skrajnej prawicy nie będzie się teraz mogła ukrywać pod zasłoną immunitetu Parlamentu Europejskiego. Marine Le Pen, która do wyborów nie miała zamiaru odpowiadać na żadne pytania sądu dotyczące fikcyjnego zatrudnienia jej pracowników, teraz nie ma wyjścia i musi stanąć przed obliczem prawa. Bruno Gollnisch, jeden z bardziej znaczących działaczy Frontu Narodowego, nie kryje oburzenia. To są prześladowania, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Takie postępowanie jest żenujące, ale to do niczego nie doprowadzi. Innego zdania jest lider Zielonych Yannick Jadot. To jest skandaliczna sprawa, ale mam nadzieję, że sąd zajmie się także kwestią wynagradzania działaczy frontu z kasy Parlamentu Europejskiego. Liderce skrajnej prawicy grozi do 3 lat więzienia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brytyjska premier oskarża szkocką partię narodową o lekceważenie interesów przeciętnych mieszkańców kraju. Podczas konferencji szkockiego odłamu konserwatystów w Glasgow Theresa May powtórzyła, że pragnie zachowania jedności Zjednoczonego Królestwa. Pierwszy minister Szkocji, Nicola Sturgeon, sygnalizuje, że decyzja o Brexicie może sprawić, że euroentuzjastyczni Szkoci mogą chcieć drugiego referendum w sprawie oderwania się od Londynu. Premier May apeluje, zostańmy razem. Sercem Zjednoczonego Królestwa jest jedność naszych ludzi, ich interesów, poglądów i zasad. I atakuje Szkocką Partię Narodową, oskarżając ją o przedkładanie kwestii niepodległości nad codzienne zmartwienia obywateli. Polityka to nie gra, a rząd nie jest platformą do ścigania konstytucyjnych obsesji. Służy do podejmowania poważnych decyzji, by poprawiać życie ludzi. Wąski nacjonalizm skupiający się na niepodległości za wszelką cenę to lekceważenie Szkocji. Theresa May podaje przykład szkolnictwa, którego jakość pod rządami SNP się obniżyła. Szefowa SNP Nicola Sturgeon mówi, że twardy Brexit, za jakim opowiada się May, nie jest w interesie Szkocji, kraju, który zdecydowanie zagłosował za pozostaniem we wspólnocie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Hiszpańska Gwardia Cywilna szuka ponad 100 osób, które w poniedziałek uciekły naraz bez płacenia z restauracji na północy kraju. Klienci nie byli Hiszpanami. Właściciel stracił 2000 euro. Tańczyli i nagle zniknęli, mówi Antonio Rodriguez, szef restauracji Carmen. Według gazet bankiet zamówili obywatele Rumunii, którzy wpłacili mu zaliczkę w wysokości 900 euro. 120-osobowa rodzina wydała przyjęcie z okazji chrzcin i zniknęła przed podaniem deseru. I na koniec bezpieczna kobieta w mieście, czyli bezpłatne kursy samoobrony dla wrocławianek. Zapisy na kolejne szkolenia prowadzi Straż Miejska, a podczas kilkugodzinnego kursu można nauczyć się podstawowych elementów samoobrony, które mogą uratować życie, mówi rzecznik straży Waldemar Forysiak. Zachęcamy wszystkie panie do uczestniczenia w naszych zajęciach. Prowadzą je wybitni specjaliści, nie dość, że kompetentni, to także przystojni. Na szkolenia można zapisywać się telefonicznie, ale trzeba się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. To był Serwis Trójki. Na razie od 4 do 11 stopni, nad ranem od minus 1 na Podlasiu do 4 na Dolnym Śląsku, jutro od 9 do 17 i słońce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wielkie wydarzenie. Nowa studyjna płyta WW zatytułowana 7 ukaże się 7 marca. Godzina młoda. Ale wcześniej. A ciało już mniej. W sobotę w liście osobistej WW zagra otwartą próbę tej płyty w naszym studiu koncertowym. Zapraszam na transmisję. Początek audycji o 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Sony Xperia X? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Suplement z diety Halidomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Świeży filet z piersi kurczaka. Jedyne 11,77 za kilogram. Filet 11,77. A delikatny papier toaletowy Softella tylko 8,49 za 16 rolek. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Już teraz superkumulacja w Lotto. 11 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal.

Czyli po prostu artyści, których nazwy rozpoczynają się od tej litery. Ale tak naprawdę najważniejsze jednak będzie to, że powrócimy przede wszystkim do lat 90. i przypomnimy sobie tych artystów, którzy wtedy odnosili największe sukcesy. Bo Francja po Ameryce to był i cały czas jest drugi najważniejszy hip-hopowy rynek na świecie, chociaż później dowiedzieliśmy się wiele, co tak naprawdę działo się w tym świadku. W dużej części ta produkcja zdominowana była niestety przez korupcję i przez mafię. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. I na hip-hopie można rzeczywiście zarobić niezłe pieniądze. Zmieniły się już generacje, ale my dziś wracać będziemy oczywiście do tego, co w latach 90., tak mi się wydaje, było najważniejsze. Alliance Ethnique, Respect, to z pierwszej płyty, Sample a Funky, rok 1995. Później bywało różnie z tym zespołem. Muzycy robili różne rzeczy, nagrywali także płyty solowe. Powrócili w 99 roku z płytą zatytułowaną Fat Comeback, ale to już nie był tak wielki sukces. I tak naprawdę historia Alliance Ethnique zamyka się w latach 90. That's right, this is Rozelle, DJ. Oh, oh, oh. We're gonna bring it to you like this. 1,058 million watts, baby. Bring that back. That's right. You heard it here first, baby. A number one smash hit. Climbing up the charts, baby. To quench your thirst, remember, you heard it here first. Alliance Ethnique and my man from Chi-Town. We call him Khan. So we about to give you the www. Drop the bomb, baby. Sit back and remember and stay calm. Yo, come and let's leave it cool it. Hey, yo, Kumail, as the beat goes on, I'm a jam. What's the flow fuzzy? Yo, I flow wild. And together, yo, we won't be the short sound. Yo, come and let's leave it cool it. Yo, Kumail, as the beat goes on, I'm a jam. What's the flow fuzzy? Yo, I flow wild. And together, yo, we boss chicka chicka chicka out. I spit rounds of sound, so get down, surround your whole camp. We're fighting like the old champ. Résurrection, le pur son, alliance, common sense, la leçon. De toute façon, t'es down ou pas. On lâche pas le beef, ton garçon. You know how we do it. How you do it? I do it to the death. Trying to stay alive like Wyclef. My background is black ground, underground with the ethnic alliance. Blinded with science, yeah. Lyrical giant. Yeah, je speak comme Spock de manière sensée, logique et bloc. Toute offensive, non objective et stop. Mon flow où je veux, le beat quand je veux. Collabore le choc si je veux. À toi de capter les règles du jeu. I murder whack MCs from the rhyme scene I flee. Donc c'était MLK aka John Steele. Ain't no future in your front when I MC like Reed. My seed I lead away from tripe niggas and greed. You and I. Calm sense. Yo, yo, we got the jam. Yo, I stem from the go. Yo, I stem from friends. To make y'all fellas dance. Yeah, yo, yo, we got the jam. You and I. Calm sense. Yo, yo, we got the jam. Yo, I stem from the go. Yo, I stem from friends. To make the ladies dance. Yo, yo, yo, we got the jam. Français pour un carry, c'est oui, oui, s'il vous plaît, merci. Pour nous, c'est kicker dans un langage différent sur un beat funky. Funky for you, I'ma make it. Take it to a new floor. Roger couldn't do more. My crew toured to France but couldn't speak the language. Cab drivers and broads putting us through changes. Laisse le beat, it's a beat, the beat, the beat couler. Laisse le flow phaser, papa. Être authentique, c'est pas avoir un rôle d'ingrat. Se dire intègre en soi. Accentue la progression, limite les dégâts. Prepare for the Armageddon, the Carmageddon. My karma setting in like the sun. The rap one, get open like the French. You'll get closed like captions when it's time for some rhymes or some action. Yeah, comment est-ce? Bien. Morceau qui laisse des traces. Bien. Fin du deuxième couplet, prêt pour le troisième. And you and I. Calm sense. Yo, yo, we got the jam. Yo, I stem from the go. Yo, I stem from friends. To make y'all fellas dance. Yeah, yo, yo, we got the jam. You and I. Calm sense. Yo, yo, we got the jam. Yo, I stem from the go. Yo, I stem from friends. To make the ladies dance. Yo, yo, yo, we got the jam. I go on and on. Damn, y'all feel that? Flow like water with the steel wraps, the pill caps back. Feel like black steel in the hour of commotion. My poetry is motion. Yo, et on prend le mic et kick au mic comme au bowling. On lance les rimes sur le beat et fait un strike. Arrose le morceau d'un flow différent. Apportant l'élément déterminant en même temps. Même si comme ici, I can stand the rain. Once I start rushing for yards, niggas be running back on the mic. I'm like Jordan. They wonder if I'm coming back. Become one with tracks. Like I am with God. The common man at large. Going to France, I'm charged. Yo, Kamel à New York fait du rap en C. Franc, franchement. Common sense à Paris fait du rap en carry pur débit. Alliance de style, un sens en commun. Rap international, c'est le début et pas la fin. Regarde autour de toi, ça bouge enfin. you and I. Calm, sick, yo, we got the jam. Yo, I stem from the gold. Yo, I stem from friends. To make y'all fellas dance. Yo, we got the jam. You and I. Calm, sick, yo, we got the jam. Yo, I stem from the gold. Yo, I stem for friends. To make the ladies dance. Yo, we got the jam. We got the jam, we got the jam, mama. We got the jam, we got the jam, boy. Yo, we got the jam, you got the jam, Yo, we got the jam, we got the jam, Shake I go, got the jam, jam. We got the jam. No ID, you got the jam, y'all. Yo, Prince Charles got the jam, jam. Yo, Doug M got the jam, y'all. We got the jam. Louis got the jam, jam. Yo, De La Soul got the jam, boy. Yo, Bismarck got the jam, jam. Yo, Chicago got the jam, y'all. Yo, Trey got the jam, jam. And everybody say, you got the jam, boy. Yo, the ooh, got the jam. Ooh, got the jam, too. Alliance Ethnic, tu jeszcze z udziałem amerykańskich gości. Koniec lat 90. album Fat Comeback i jakby inny wymiar muzyki hip-hopowej. Camel, Medach, Gatsy, Crazy B i Faster J. Później robili różne rzeczy, chociaż oczywiście nigdy z tej ścieżki obranej wraz z Alliance Ethnic nie zrezygnowali. No dobrze, to A jak Alliance Ethnic, ale także A jak Akhenaton. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Les sœurs collaborant, emporter des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est à l'insol. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Atmosphère tendue volcanique, linge pendu, mur sali, post-trafic, tape au cœur de l'Asie, automatique de Maclay. Tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Chaque jour que je fais à toi, j'ai encore. O ile historia Alliance Ethnique zakończyła się w roku 1999, tak artystyczny życiorys tego artysty cały czas trwa. Akhenaton, czyli tak naprawdę Filip Fragione, a odkąd przeszedł na islam również Abdel Hakim. Człowiek, muzyk, artysta, który jest odpowiedzialny za przedsięwzięcie o nazwie I Am. Myślę, że znają Państwo tę grupę hip-hopową znakomicie, ale Akhenaton to także artysta, który nagrywał i nagrywa cały czas albumy solowe, jest także producentem muzycznym, realizuje albumy innych, pisze teksty, komponuje muzykę, co dla nas także istotne, jest dziennikarzem radiowym propagującym właśnie francuski hip-hop. Akhenaton przed momentem w towarzystwie Funky Family, Bad Boy de Marseille, no bo to oczywiście ekipa z Marsylii, to teraz Je pas de face. Je pas de face. Check ça, le mec est allongé sur son épée d'achouf la télé. Trop de vilaines cassent la pète Greta Rea. Va mourir, va pourrir dans un clip comme un bien naze. Lyric style mauvais site comme c'est le tome 1. Je l'ouvre, waouh, première page, la dance. Bonne banque pour un braquage, j'explique. Ils font un pack de pèse avec leur truc cyber, leur clip cheap. Plein d'effets style Daniel Gilbert, donc bibi pas con. Ils montent Gamani Production pour encaisser un max de pognon. Envoie les ronds, l'idée, taper les portefeuilles vieux. Des adolescents de 16 ans, pubères et boutonneux qui tripent sur des zics de merde. Tranquille, je vais les gruger. Mon méga tube dance. Ça y est, ça part dans leur budget. C'est moche, ouais. Si on veut, mais qu'est-ce qui cloche? Gesteur en deux de fastoche, l'impôt sur l'argent de poche. Comment faire? En 10 minutes, je génère une grosse merde. Un beat foireux, le temps d'un éclair. Il manque la voix, celle qui va dire de phrases nazes. Et si elle chante faux chais. L'harmonie, c'est pas grave dans une fête de village au pied du clocher. Approche une pouffe naze motivée, vainqueur du ras du crochet. Petite, tu t'appelles Anna, c'est ça. Écoute Anna, mets-toi des cols en moulant. Qu'on mate avec les panas à poil, tu vends gras. Vas-y, chante petite. Nanananana. Pourri, prêt pour faire un hit. Plus nul, tu meurs, j'suis dans la dance rouya. Que pour la muraille, comme dit le rat. Et on s'en bat les couilles. Si tu as 25 ans, que tu es tanké et chante comme une naze, tu m'intéresses. J'ai pas de face. J'ai pas de face. Je prends le mic pour la pagaille, tu le sais déjà. Le bon son pour les canailles. Les crapules de mon espèce en voie d'apparition ici-bas. Casse dans la caisse de casse-couille, le casse-dalle. Danis Nakash du rap et cache fracasse la casse-bas et casse-toi. Si tu es du genre compagnon de la chanson, col roulé en nylon. Y'a pas bon, donc passe mon annonce. Pour le prochain projet de mon asso, style sans figure. Recherche trois beaux gosses, trois gros nazes. Face à style pub, gâteau, rad, sportif. Pour faire les guignols dans un groupe minable. Des musclés pour rien, gardien de plage, Baywatch. Des chichiteux dénichés dans un club de squash catégorie. Sourire incrusté à la whoopi. Genre je sors de la douche, célibataire et riche, youpi. Les petites à leur sac, car les posters c'est leur opium. J'achète la BM et la villa grâce à Podium. J'en tue un de mort naturelle pour faire chialer des filets de reste. Joue dans ma série Beverly Chill. Je sais c'est pas net, je livre en balai la cassette. De comment faire des pépettes sur le compte de trois tapettes. J'estime que les productions moisies non-stop et réinjectent dans le hip-hop. Si tu es bien musclé, que tu danses comme un robot et chantes comme un naze, tu m'intéresses. J'ai pas de phase. J'ai pas de phase. Oh gamani, dégaine en vrac. T'es parfait pour mon groupe de pop debout, on dirait un sac. Tu veux ta cam? J'ai rien pour toi, fils, débrouille-toi. Écris 10 mesures de n'importe quoi. Chante et ferme-la, je déteste altérer le concept pour pas déformer. J'ai embauché Saint-Ox, t'es réformé. Coupe au bol pour tout le monde, attifé comme des chiffres. Pif dans la schnouf, sniff, évite les gifles grâce aux chiffres. Chantez comme les Beatles et vous êtes lancés. Les gens adorent entendre les voix des mecs qui ont clamsé. Pas exigeant et moi plus large qu'un Grimaldi. De bonnes Jeanlin et pas de chèque de royalty. Haleine vomiteuse et groupe Irène et femme refrappée. Seul mon groupe peut se les taper. Opportuniste, non, malin dans mes décisions. Le public aime voir ses paillassons à la télévision. J'en profite, pourquoi pas moi, mon métier. Polluer les ondes avec les losers de mon quartier. Gamani Production fait pas de flop et reverse les francs dans le hip-hop. J'ai pas de phase. J'ai pas. code pour G. Si c'est pourri, c'est Gamani. J'ai pas de face. J'ai pas de face, la Gamani Mania Megadance Master Mix Flash Party Volume 2. Disponible en laser cassette, vu à la télé et même à la radio. Tu peux même l'emmener en vacances. Akhenaton, j'ai pas de face. To także w takim razie A, jak Afrodizjak. Grupa, która istniała w latach 1996-2012. Trzy płyty, może od końca. On vit jalousie, rok 2012. Ad vitam aeternam 2001. I Trouve-moi un job z 98 roku. To był tak naprawdę duet LS i Suga Suga. Wszystko już jest przeszłością tak naprawdę, ale mam wrażenie, że te najlepsze lata, jeśli chodzi o Afrodyzjak, to były lata 90. i początek lat 2000. Na pewno ten pierwszy album, Trouve-moi un job, to była bardzo ważna pozycja, jeśli chodzi o francuski hip-hop. Yo, j'ai grandi dans l'espoir d'atteindre le sommet. Lorsque je rêvais, c'est dans le luxe que je me voyais. Sans effort, tu n'obtiens rien, c'est ce que ma mère me disait. Pourtant les mecs sont durs, en voiture de sport défilaient. C'est pas le ghetto, c'est juste le site de la cité, où le business est la seule solution sollicite. Désormais que j'ai grandi, je sais quel chemin suivre. Mais toujours est-il qu'il me faut de l'argent pour vivre. Je vois des lascars, je vois des lascars, avec de grosses cases, avec de grosses cases. Je vois des anciens, je vois des anciens. Les beaux jours s'effacent. Je vois des jeunes filles freaky avec des jeunes hommes friqués. Et puis je vois mon entourage jeune et débordant de rage qui s'exprime en disant trouve-moi un job, juste un job. J'en viens au business. Trouve-moi un job. Yo t'aime les grosses liasses grasses, celles qui prennent beaucoup de place. T'aimes les filles qui se déshabillent facile comme dans les films. T'aimes les grosses caisses, classe, celles qui flashent lorsque tu passes. T'habiller en Armani te changerait de ton taquine et tout ce qui brille. Attise ta convoitise, t'obsède devient ta seule hantise. Telle un pacha à l'envie de ce mode de vie te grise. Mais sans emploi de ce mode d'emploi que tu vises. Le Nesby malgré tous ces risques je décris. Écris ce que je vois lorsque je suis hors de chez moi. Prends ma démo comme une info, comme une requête en quête d'une vie meilleure dans un monde meilleur. Mais pour faire son beurre de nos jours le vice est de rigueur. Trouve-moi un job avant que pour moi sonne l'heure. Ding ding dong, clique la trotte en ma mère pleure. Poser des questions, comment affronter le quotidien sans aucune solution. Si je trouve un job, m'apportera-t-il satisfaction? Alors où l'argent est synonyme de considération? Je l'ignore, mais mon esprit est fort. L'estime et le mérite seront les fruits de mes efforts. Sans activité, je ne peux que me causer du tort. Si j'abandonne ici, je n'aurai que des remords. Y'a le fait de ne rien faire donne des idées de méfaits. Faire ton chiffre d'affaires en un quart d'heure, être satisfait. Alors que l'on te propose 3 heures de queue à la NPE pour entendre bye. Bye bye, pas de travail, bye bye. Je suis pas né avec une paire de Nike Air aux pieds. Piégé, je n'ai pas de JOB, j'ai peur de perdre au pied. Noyé dans la masse, faire du bis, je préfère respirer. Ouais. Ah, mais pas au prix d'être enfermé. Trouve-moi un job, juste un job. J'en viens au business. Afrodisiak, Trouve-moi un job, rok 1998, to utwór tytułowy z ich debiutanckiej płyty. No dobrze, to poruszamy się dalej po tej szachownicy. Arsenik, grupa, która została założona w roku 1992 przez dwóch braci pochodzących z Kongo, Gelino Mbani i Kalboni Mbani, po prostu Lino i Calbo. Dosyć ważni, dosyć istotna grupa, jeśli chodzi o francuski rynek hip-hopowy, ale znani także z takich afiliacji, powiedziałbym, z World Music, bo później pojawili się chociażby w formacji Biso na Biso, która łączyła, powiedziałbym, taki afrykański groove z hip-hopem. My jednak powrócimy do tego, co robili pod szyldem Arsenic i tutaj proponuję Państwu kompozycję L'Enfer remonte à la surface, czyli Arsenic, a później A jak aktywist. Savoir, mon ami. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Quoi? Je demande toujours ça à mes proies. J'adore le son de cette phrase. Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Un nouveau sacrifice de pute pour l'MC, nouvelle holocauste. La honte se bosse, la danse, la peste en holocauste. Là, j'accoste la version à mon poste. La version Didi de mon geste manifeste. Détruit ta rime indigeste. Est, ouest, cut sur ce que tu suis d'honneur. Si j'étais Terminator, tu serais Sarah Connor, Connor à l'hyper. Dites le sniper, mais non du Catman. Et non du Batman, et fous la merde dans le monde de Scatman. Batman, si ton silence s'annonce nos féroces. Je vois ces rocs, mon micro est comme une corne de rhinocéros. Techno, je hais la techno, mais encore moins les mecnos. Siffle ton style impecno. Technomo sans trop techno. Stradamus l'avait prédit, le rap grappe aux sommets des mots. Dans l'industrie, il est comme le monde sous l'emprise du démon. Je nage dans ces océans, je surf. Du break au smurf au peur, flambe dans les turfs, je revois mon turf. Neuf, rough neck pour mes rough mecs sortis des ténèbres. Avec un style sponsorisé par les pompes funèbres. Ma clique, clac, bloc, bloc, ma glock, lock et flic en bloc. Drop son micro contre un flingue, faut croire qu'il pète ton corps. Je ramène le hip hop à sa source. Pour tout ce qui y a, vous me poussez. Jadis vendez la peau du putain d'ours. Surtout n'oublie jamais que la rue est son perso. Que la mort est la misère l'ont vu naître et pour moi perso. Nellement le rap a plus d'impact quand il est sous terrain. Bat avec le diable vise fils actif et tout terrain. La guérilla sa mort c'est un danger autoproduit. Conduit à porte bruit quand le poison s'est introduit. Nègre nègre hostile sorti des ténèbres. Avec un style sponsorisé par les bombes funèbres. Nègre nègre hostile sorti des ténèbres. Avec un style sponsorisé par les bombes funèbres. Nègre nègre hostile sorti des ténèbres. Avec un style sponsorisé par les bombes funèbres. Nègre nègre hostile sorti des ténèbres. Avec un sponsorisé par les bombes. Sorti des entrailles de la nuit sombre, chercher le problème irrémédiable. Du royaume des ombres avec un style possédé par le diable. Diable Louis Wadieu, j'ai de l'artillerie dans mon cortex. Sale vortex explose et mon rap t'emporte comme un vortex. Je les vortex, terminé mon assaut, sa morceau sous-sol. Pyro style hostile du nord indiqué sur ta boussole. J'ai que la boussole contre tous, tous comme une carabine. Me rapine avec plus de technique que David Carradine. Badine avec l'enfer et tu finiras dans le Guinness. Pour être le million plus que je flingue avec finesse. C'est du business. Putain, le rap a-t-il perdu son âme. Les balles traînent me saoulent et moi je préfère rouler ma dynale. TM des sujets au contrôle de papier. Mon flow est d'un océan profond où l'MC n'a pas pied. Les clapets se ferment quand germe les mots que j'arme. Mais un terme à ta vie d'infâme comme l'envie des femmes que je charme. L'on me suspecte, m'aspecte. Moi je nique les leurs inspects. Ouspect, vous connaissez l'ennemi pour qu'il te respecte. Le rat vient des ruelles malfamées, de crapules affamées. Mon style est réel sans scrupules, c'est pour ça je suis un damné. Condamné à errer dans les limbes comme l'a fait Ulysse. Parce que la vérité blesse l'hypocrite et tous les polices. Négro style sorti des ténèbres avec un style sponsorisé par les bombes funèbres. Négro négro style sorti des ténèbres avec un style sponsorisé par les bombes funèbres. Négro négro style sorti des ténèbres avec un style sponsorisé par les bombes funèbres. Négro négro style sorti des ténèbres avec un sponsorisé par les bombes. Maléfice rap pyromane style frappe au style comme un scorpion. Morpion t'es déjà morpion allergique, j'augmente mon score. Dans mon jeu t'es mis en échec, je choque les bons chiffres. Les chaque MC qui suit aussi c'est pour toucher les chiffres. Mec, faut d'avoir la gloire, je veux la reconnaissance. Pour tous les groupes qui sont l'essence et milite pour la renaissance du rap. Jadis frappé l'MC, ainsi ce morceau frappe aussi possible et chacun d'industrie. Compris, incompris, je suis pris entre deux feux. Vieux pour la pute, il faut un feu et pour le vampire à pieux. Dieu me garde, le diable à métro, ouspant il fout la frousse. Les balles trinquent en prochain. Un exorci de l'urban brown, aigle de la paix. Sponsorisé par les pompes funèbres, je ne peux commencer vénère et me mettre à faire le zèbre. Aigre, nègre, aigri, par les keufs aigris. Pour un rap à Aradi, on n'a pas prédit. Paradis, j'ai la mythique étiquette. Tu mets qu'en casquette, tu troubles fait qui te casse la tête. Ça jase, mais sur ton visage, je lis l'angoisse. Le gardien de la crypte est dans la place pour lancer la poisse. Négro, négro style, sorti des ténèbres avec un sponsorisé par les pommes. Maigre négro style, sorti des ténèbres avec un style, sponsorisé par les pommes funèbres. Maigre négro style, sorti des ténèbres avec un style, sponsorisé par les pommes funèbres. Maigre négro style, sorti des ténèbres avec un style, sponsorisé par les pommes funèbres. Mais je reviens comme la foudre, au-delà du dôme du tonnerre, ouais. Comme Mad Max, c'est pas de la poudre résoudre. Le problème arsenique, c'est comment découdre. Avec une porte sauvage, hein. Rafale de chevrotine, routine de gangster, ouais. La tendance c'est une guillotine. Effusion de sang, ton cœur pas de sang. Nous sommes des envahisseurs, doré du croix, David Vincent. Jamais de sang, trois gouttes suffisent aux M6, M6. Dingue, mon couplet comme un flingue, tringue. Les tringues, poil, doom, doom, perfé, Remington. Je donne effet plus de cr que Blake à Carrington. Mais, on regarde pour la prochaine fois, là, ça va. Hey. Les mecs, ils ont payé pour un seul morceau. On leur donne un seul morceau, on en garde pour la prochaine fois. Allez, les gros, allez. Le hip-hop. Le hip-hop. Qui devait servir à mon éducation? Le hip-hop. Qui devait servir à mon éducation? Le hip-hop. Qui devait servir à mon éducation? Le hip-hop. Qui devait servir à mon éducation? Nouvelle attaque, nouvelle expérience. Nouvelle piste sur la traque, les activistes. Traque de tout part, tous ceux qui s'emparent de l'histoire. Du savoir. Les manipulants tuent la populace pour leur pouvoir. T'inquiète, connie, chez ce qui se passe, qui casse, qui brasse des liasses. Bien que ma prof, mais je dis de la moi classe. Moi, ceux du favela, palace, hôtel de passe. Des sciences au mat. Écoute ce date, calant l'activiste et rockin' squat. Combat éclate à coup de là de façon compacte. Celui qui convoite, exploite et mate. C'est le triple impact. C'est l'open. Le grand chelem. Harlem Saint-Denis, le 18ème s'élève contre le système éducatif. Où le prof plaintif, craintif, de vide sans motif. Prof sans passion, essaie de rentrer à la maison. Ouais. Travaillant là depuis que le chômage est en progression. Voilà le contenu de ce que j'ai connu. Lors de ma pseudo-instruction, je m'en serais bien passé. De ce qu'on m'a enseigné, je m'en serais bien dispensé. On m'a instruit dans la rue, autodidacte, mémoire intacte, tête haute en garde à vue. Pour certains, j'étais l'âne pâté, un futur dealer la bourrique. Seulement capable de boulot physique, CAP, BEP, pédigré mécanique. Quand on est en bleu dans la atelier, papa était ouvrier. Alors il faut que je le sois aussi. L'école reproduit les inégalités, ouais. Je peux pas me projeter. Y'a pas débouché pour les jeunes comme moi. Même diplômé, en proie chômé, dealé, tourné en golf, choc chromé. Mauvais envers ceux qui ont voulu m'enseigner, me faire croire. Ça plaît pas à moi, autocar, que la cancrerie, la misère sont héréditaires. T'es pas sur ta terre, t'es allocataire, t'as du caractère. Mais ferme ta gueule, ou termine gangster. À 25 ans sous bière, allongé, sourire fier. Deux balles dans le corps, dans un cimetière. Poussière incinérée dans une bouteille de verre. C'est mon dormeur. Tu vas avec l'autorisation parentale. Dédié au last poète et respect à Jalal. Personne ne me batère. L'éducation. Autant de galères que de déceptions. Personne ne me batère. L'éducation. Autant de galères que de déceptions. Enseigne-moi, apprends-moi. Là où la terre m'a vu naître, peu de gens détiennent la sagesse. Montre-moi les sentiers perdus fusque une fois. Que je me rappelle que je suis qu'une infime parcelle, qu'une étincelle de l'au-delà. Les derniers poètes les plus actifs marchent avec moi. Je promets de faire circuler, si tu le veux, tout ce que tu m'apprendras. De la culture des 12 tribus jusqu'à celle des Incas. Des Black Panthers qui se sont battus et sont morts pour leur droit. De la lutte dans le chapias mexicain, héritage de Zapata. Raconte-moi l'histoire de notre terre mère. Tourne ton aile vers l'univers, apprécie la lumière des fonds qui verrent. Représente l'éveil comme. Sois un tout comme respect et amour pour tous les enfants de. Les noms changent mais le challenge est le même. Trouver son équilibre dans l'enfer qu'est ce système. Le savoir est une femme et la connaissance qui s'en projette en est sa lame. Et si le hip-hop est mature, qu'il se serve de sa flamme, de sa soul, de son amour et de la richesse de ses larmes. Hip-hop junkie, poète érudit comme El Kaji, filtrant l'information cloisonnée de la TV, des universités, de l'industrie du scuddy, de la direction pénitentiaire quand elle nous parle de ses sombris, de la médecine, de l'armée, de la presse et des Wack MC compris. J'ai préféré être dans les bacs que sur les bancs de la fac. J'ai préféré être dans les bacs que sur les bancs de la fac. J'ai préféré être dans les bacs que sur les bancs de la fac. J'ai préféré être dans les bacs. Ain't no zap in a rap with nothing on the cap from a mind that's behind in space and time in a head that's dead. dead from being misled when your brain's in chains of all my poverty pains as you fiddle with the riddle of how to stay sane. With no schooling who you're fooling, what you're rapping about, cause when the hip is in, then a hop goes out. Mr. Lincoln, what you think about your situation is the fact that you lack sufficient education. Biology, cosmology, psychology, technology, astrology, etymology, geology, neurology, physiology, astronomy, economy, deuteronomy, photography, geography, a cryptography. Transportation. Communication. Habitation. Equals liberation. Liberation. Liberate your mind. Free your behind. I cała gromadka zaproszonych gości. Nouvelle Expérience, a wcześniej Arsenic, L'Enfer remonte à la surface, czyli dwaj bracia Lino i Calbo Mbani, którzy tutaj jako Arsenic proponowali absolutnie czysty hip-hop, natomiast jeśli będą mieli Państwo okazję zerknąć na płyty Biso na Biso, to tam odnajdą Państwo w ich wykonaniu troszeczkę inną muzykę, no ale to myślę, że w tonacji jeszcze do nich powrócimy. Antologia francuskiego hip-hopu, dzisiaj litera A, to jest nasz klucz, to skoro tak, to nie może zabraknąć grupy Assassin, a Assassin najlepsi zawsze byli na koncertach. Yo, po tutti, Black Peta do la place, DJ Duke, check ça. N'ayez pas honte d'aimer les gens. N'ayez pas honte d'aimer les gens. The stars are the subject with each other. I like it, I never lose track. Cause we know all our living so bad. Word up. En bruit sur en bruit, tous les jours la même merde. Les mêmes têtes de cadavres, les notes vies qu'on peut perdre. Pourquoi toujours des sales vibes, pourquoi toujours des sales phases. Ça marronne, ça camperge, ça veut niquer la base. Panam City, la ville où je suis né. J'ai contemplé les hivers, j'ai contemplé les étés. C'est là où je suis aimé, c'est là où je suis détesté. C'est là où on enchaîne tous les droits, gauche, crochet. Tous des gueules à mocher, tous fonçant vers une vie gâchée. Tous fâchés, tous fichés, tous fauchés. Pas la faute, l'info, car on veut tous réussir. Mais réussir pour la plupart, c'est bâtir son empire. Donc on se marche dessus, en se revendiquant de la rue. Donc on se tire dessus, et notre jeunesse est perdue. Donc on se marche dessus, en se revendiquant de la rue. Donc on se tire dessus, et notre jeunesse est perdue. Notre album touche d'espoir. Pour que l'on en français fortifie ses remparts. Pour ceux qui croient en nous n'est pas le cafard. Pour prouver qu'on les aime et pour nous ils sont des stars. Pourquoi on a appelé notre album touche d'espoir. Pour l'indépendance qu'on représente face au produit code part. Pour la résistance qu'on représente face au pouvoir. Pour que le hip-hop se limite pas à mille toi bâtard. Qu'est-ce tu veux que je te dise à part qu'il faut de l'amour, de la tolérance, moins d'ignorance, plus pour. Mon tour est dramatique, mais t'inquiète, je suis supersonique. Ultra magnétique, connecté au cosmique. Freestyle fanatique, ambiance métaphysique. Académie mythique, maître match sur leur politique. Veille sur ma chine, sur laquelle pendant des années je médite. Avant que mérite soit dite, avant que ça batte la critique. Avant que ça se complique, avant de deal avec la masse qui s'agite. Les médias qui s'excitent, la politique crapuleuse. Les élections frauduleuses. La corruption pour qu'on s'intègre dans une branche. Mais la nôtre est étanche et c'est hip-hop comme à l'entranche. Et c'est hip-hop comme à l'entranche. On a appelé notre album Touche d'espoir. Pour ceux qui dans l'esprit retrouvent la lumière dans le brouillard. Pour que nos femmes n'aient jamais peur de marcher seules tard le soir. Pour prouver qu'on les aime et qu'on nous aime, elles sont des stars. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir. Pour ceux qui ont fait que ça sonne, ça jamais plus tard. Dans aucune rue, aucun boulevard, aucun dégât. Car c'est pour vous qu'on rappe, qu'on se bat, qu'on tient sans faire des cas. On représente l'espoir pour un hip-hop. Même dans la négativité, on restera. C'est-à-dire créatif, réceptif. Face à l'adversité, face au respect, à la reconnaissance, attentif. Attends. Quoi j'ai pas nu. Dans le show business, impalpable et subversif. Subversif. M'inspire de toute culture, tout horizon social, toute odeur, toute couleur, toute religion, toute étoile. Devant nos rap, tous à poil, comme les nouveau-nés. Aucun baguie, aucun costume ne peut contrer la rime sensée. Et si notre hip-hop part au coup, c'est que les acteurs de ce mouvement n'ont pas écouté Al People, Jisco, Terrell, Nick Coupe et Wooten Clan. Me connaissent Alvin ou Tony Hathaway. Encore moi, UTFO, Roxanne chanté. DS, Tinker, Disblow, car des bases dans le ghetto. Demanda, Facho, Demanda, Primo. Si aujourd'hui je vis du hip-hop, c'est grâce aux gens présents dans le passé. Je me sais, yo-yo. Laissez-moi passer, j'ai emmagasiné des infos que je dois révéler. Pour aider ceux qui ne savent pas, pour calmer ceux qui ne font que parader. Pour calmer ceux qui ne font que parader. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir. Touche d'espoir. Pour faire fermer la gueule à tous les crevards. Pour préserver la nature, notre futur, notre mémoire. Le passeport pour une poignée de dollars, connard. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir. Touche d'espoir. Car soit les passifs, tous les panthères noirs. Tous les prisonniers d'opinion qui trouvent pas ça bizarre. Autant faire des fonds d'amour rayonne plus que leur phare. Te koncerty zawsze były bardzo gorące i bardzo energetyczne. Subiektywna antologia francuskiego hip-hopu, litera A, Alliance Ethnique, Akhenaton, Afrodizjak, Arsenik, Aktywist, Assassin. To na zakończenie jeszcze znajdzie się u nas Abd al-Malik. Będziemy wracać do takich zestawień i do takich połączeń, niekoniecznie literowych, ale na pewno hip-hop powróci. Bartek Gil, Jacek Haweluk, dziękujemy za dziś. Na zakończenie Juliette Gréco, ale to jest tylko tytuł utworu. Natomiast całość brzmi bardzo pięknie i również bardzo elektronicznie. Abd al-Malik. Françoise Sagan, mes proches, Saint-Germain-des-Prés a pris des allures de neuf. Fort heureusement, le Peura fut pour moi comme pour elle fut Jean-Paul Sartre. C'est finalement normal, gros, que Gibraltar devint légendaire comme la rue des Blancs-Manteaux. Juliette Gréco. L'offense n'est jamais celle que l'on pense. Ne décrétèrent-ils pas qu'on était laid dès l'enfance? Mais que disent donc les apparences? Plus de ressemblance que de différence. D'où l'objet de ma déférence. Tellement d'illustres engendrés par la France. Moi je suis né dans la haine comme au cinéma. L'amour est la seule guerre que je mène moi. Zapraszamy do reklamy. Technologia dla ciebie, kwiaty dla niej. Za każde 500 zł wydane w Saturnie dajemy kupon na 30 zł do zrealizowania na pocztakwiatowa.pl. Uwaga, możesz też nagrodzić kwiatami siebie. Saturn, technologia tak ma. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka różne rodzaje ma kosztować 6,99 za opakowanie, a truskawki tylko 3,99 za 250 gramów. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla ciebie. O polskie przeboje. Giganci polskiej piosenki, wymagające żybi i wschodzące gwiazdy. Zobacz zaciętą rywalizację o występ na festiwalu w Opolu. O polskie przeboje w sobotę w telewizyjnej jedynce o 18.35. O polskie przeboje. Tutaj rodzą się gwiazdy. Z samego serca Polski. Koncert nie tylko dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej, zespół śpiewaczy Powsinianie oraz kameralny zespół folklorystyczny Grupa 50+, zaprezentują muzykę z centralnej Polski. Niedziela, 5 marca, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Karola Okrasę. Oczywiście, że tradycyjnie. Tradycyjne przepisy są proste i wykorzystują to, co jest w każdym polskim domu. Tradycyjna kuchnia ma swój smak, ma aromat, a kiedy gotujesz, to pachnie tak pięknie, że schodzą się wszyscy domownicy i możecie razem cieszyć się tą chwilą. Bo za każdym tradycyjnym przepisem stoją lata doświadczeń, a sprawdzone znaczy najlepsze. Karol Okrasa, szef kuchni. Tradycyjnie w Lidlu. Żegnamy reklamy.